La grande finale de la Ligue de hockey junior majeur du Québec va débuter jeudi à Rouyn-Noranda entre les Moussettes d'Halifax et les Huskies. Et pour en parler, on parle avec Michel Dugas, qui est notre collaborateur depuis le début des séries pour la Ligue de hockey junior majeur du Québec. C'est Michel. Salut, Danny. Michel, si on revenait d'abord aux séries, es-tu surpris de voir que ça a quand même. Les Moussettes d'Halifax ont quand même défait assez facilement les voitures de Drummondville? J'oserais pas dire assez facilement. Ça a quand même été un sixième match qui s'est terminé en prolongation. Ouais. Et ça, c'est un but qui fait la différence, là. Si Raphaël Lavoie marque pas ce but-là et que c'est Joe Veleno, par exemple, qui marque en lieu et place, on a un septième match à Drummondville, puis c'est complètement différent, là, comme la série bascule. OK. Mais par contre, et c'est là qu'on voit que tous les éléments d'une équipe sont importants. Anthony Moroney a été très bon, oui, pour depuis le début des séries. Mais le fait qu'on n'ait pas pu utiliser Olivier Rodrigue à son plein potentiel, ça a vraiment nui aux chances des Voltigeurs parce que cette année, ils avaient un club pacté, Ouais. littéralement, on peut le dire, là. Malheureusement, of the game is goaltending, souvent en série, là. On dit que le fameux cliché que la défense gagne des championnats, là. Ouais. On l'a vu dans cette série-là, Alexis Gravel a été tout simplement magistral, alors que du côté des Voltigeurs, Morrow n'a pas été mauvais, là, entendons-nous. Mais ça prend la coche au-dessus, là, quand tu es en série. Nous autres, je me rappelle toujours je vais faire un Michel Bergeron de moi-même, là. Je me rappelle des Foreurs de Val-d'Or en 2014, là. Là, on avait un club pacté avec Anthony Manta, Loïc Marcotte, Aubé Cubel et compagnie, Gélina en défense avec Gazzola, mais la pièce maîtresse de tout ça, il s'appelait Antoine Bibeault, là, entre les poteaux, là. C'est lui qui avait permis à l'équipe de faire la différence dans ces séries-là. Puis cette année, ça risque d'être la même chose. Et je vais te prendre un peu de cours, mais ça va être probablement le duel à surveiller parmi tous les grands duels dans cette série finale entre les Mooseheads et les Huskies devant le filet. OK, dis-moi si on y allait maintenant avec l'autre série qui elle a été facile, par exemple, en faveur des Huskies de Rouyn-Noranda. Je m'attendais que du côté de l'Océanique, on allait être capable d'en gagner une ou deux. C'était pas impossible. On a Ouais. quand même une, on a quand même, on a quand même une bonne équipe, là, du côté de l'Océanique. T'sais, on parle de Destou, on parle de Lafrenière, on parle de quelques vétérans. Colton Nevis, qui était quand même très bon devant le filet. Mais écoute, les Huskies de Rouyn-Noranda, c'est une machine. Ah. Puis quand on dit une machine, là, il n'y a pas de faiblesse dans cette équipe-là. Ils ont de la profondeur. Même ton troisième et ton quatrième trio chez les Huskies peuvent être dangereux. Donc, on parlera pas de la défensive qui est à toute Avec fin difficile et Dobson, avec impénétrable. la nuit de Dobson, Ben, tout le monde parle de Dobson, mais n'oubliez pas Justin Bergeron qui est là depuis 3 ans, qui connaît là. bien le système ce qu'André Tourigny appelait dans le temps la Husky Game, là, qui est demeurée. Et Ben Gilles ça, Bouchard le là, dit lui, il la souvent connaît bien. aussi. Gilles Bouchard le dit aussi, hein. Ben Jules Bouchard était un protégé d'André Tourigny, là. C'est que donc lui, là, il avait adhéré totalement à la Husky Game, tout comme Mario Pouliot, là, qui a passé quelques années également sous la férule d'André Tourigny, là. Ouais, effectivement. C'est-tu la meilleure équipe de l'histoire des Huskies? Sans aucun doute. OK. Sans aucun doute. Puis même si on compare à celle de 2016, là, qui a remporté la Coupe du Président, là, ils ont encore moins de faiblesses qu'ils en avaient. OK. À l'époque, les Huskies étaient déjà très forts, mais là, on a été chercher vraiment. Et c'est vraiment, moi, ce qui m'impressionne dans cette équipe-là cette année, c'est vraiment la profondeur. OK. Tu peux pas dire, tu as un risque parce que tu mets le troisième ou le quatrième trio. Le troisième ou le quatrième trio des Huskies actuellement serait probablement un premier trio dans une autre équipe de la Ligue. Donc, non, c'est vraiment ce qui est impressionnant, c'est la profondeur de cette équipe-là. Puis, comment ils ont fait pour réussir à faire cimenter cet esprit-là. Puis, on l'a bien vu, là, tu as parlé d'une série facile contre l'Océanique. N'oublions pas que les Huskies étaient privés du meilleur marqueur de la ligue, Peter Abbandonato, qui était terrassé par une mononucléose. Est-ce que tu as des Et là, nouvelles de lui? Est-ce que c'est fini pour de bon ou Écoute, des nouvelles, oui, j'en ai eu ce matin. OK. Peter a recommencé à patiner, a recommencé à s'entraîner. Est-ce qu'il va être prêt pour le début de la finale? J'en doute. mais il pourrait faire son apparition là, puis dans le milieu de la série. Mais on va voir si, étant donné les circonstances, on va se risquer à le faire jouer pour deux raisons. La première, c'est que, comme je vous parle de profondeur depuis tantôt, ben ça veut dire ils sont capables de gagner sans lui. Et la deuxième, c'est l'importance relative qu'a prise cette série-là actuellement, étant donné que maintenant, les deux équipes finalistes là, sont assurées de participer à la Coupe Memorial. OK, parce qu'évidemment, ça va. Évidemment, les Mooseheads d'Halifax, la Coupe Memorial est à Halifax et du côté des Huskies, ben, Coupe du Président, puis finaliste aussi. Donc, ça fait en sorte. Puis ça apporte moins d'intérêt, hein? Est-ce que je me trompe? Écoute, oui et non, OK. mais ils vont pas dire ça aux gens de Rouyn-Noranda. OK. Eux, ils veulent, peu importe, ils veulent tout renfler. C'est des fans qui ont été gâtés là, depuis quelques années, Mettons. probablement. Et l'autre, oui, maintenant, effectivement. Mais l'autre chose aussi, là, il faut le dire, là, comme tu le disais tantôt, c'est probablement la meilleure édition de l'histoire des Huskies. Ouais. Et on est probablement sur la fin d'une époque aussi, là. Ils vont être bons l'an prochain, les Huskies ont encore plusieurs bons jeunes. Mais une grosse équipe comme ça, là, on n'en verra pas dans les 10 prochaines années, je pense, là, Ben, à Rouyn-Noranda. c'est nos Sags qui vont être forts l'année prochaine. Heureusement, là, je m'attends vraiment là, à une grosse édition des Saguenay l'an prochain. Là. Au moins Final Four. Là. Rien de Ben, moins. l'avenir est prometteur pour les Saguenayens parce Ouais. qu'ils ont fait de bons choix au repêchage. Ils se sont trouvé un gardien qui est vraiment là. En plein développement, si on parle d'Alexis Chang. D'ailleurs, si je veux revenir au Husky, Ouais. une des raisons pour lesquelles ils vont être encore bons l'an prochain, c'est que justement, Samuel Harvey s'en va à 20 ans, mais Zachary Aymon derrière, là, en est un autre très bon. Il va faire OK. partie lui aussi là, de l'élite des gardiens de la Ligue. OK. Donc, cette série-là, c'est un 2-3-2. Comment tu vois ça? Non, c'est un 2-2-1-1-1. Deux. La OK, finale, c'est c'était pas un la 2-2. règle du Non, non, non, 500 km. non, non. Ouais, je pensais. Non? Non, la Ligue paye l'avion. Ah, OK, parce que je pensais que Oui, c'était le la circuit maudite, la courtois règle paye du. l'avion pour les deux équipes. OK. On avait vu ça aussi, je reviens en 2014 de Val d'Or-Bécomo, puis je pense qu'il y a d'autres finales là, que ça a été la même chose. Là. OK. Mais non, ça va être 2-2-1-1-1. On veut justement éviter là, cette espèce de disproportion qui arrive là, quand tu as un 2-3-2 ou si tu vas arracher Ouais. une victoire dans les deux premiers matchs sur la glace de l'autre, que tu te retrouves avec 3 matchs à domicile. Là. Donc, on veut aplanir les différences là-dessus. Là. OK. Comment tu vois ça, cette série-là? Ça va être une série quand intéressante. C'est sûr que j'imagine qu'il y a un avantage pour l'équipe gagnante à la Coupe Memorial. Non, pas nécessairement. J'ai Non? vu l'horaire, puis les Mooseheads vont demeurer les Mooseheads OK. et les Huskies vont demeurer les Huskies. La seule chose, c'est que ça va être vraiment. On l'a vu, c'est en 2006, si ma mémoire me sert Ouais. bien, là. La finale entre les Wildcats et les Remparts de Québec, là, c'est les Wildcats avaient gagné, mais ils avaient conservé leur prérogative d'équipe hôtesse lors du tournoi de la Coupe Memorial, qui avait été remporté par les Remparts cette année-là. Là. Mais pour revenir à cette série-là, ben comme je le disais tantôt, les amateurs de hockey de Rouyn-Noranda, ils veulent tout rafler. Donc eux veulent voir leur équipe remporter la Coupe du Président. Maintenant, pour ce qui est de la Coupe Memorial, ça aussi, on aimerait l'avoir parce qu'on est passé à un but près la Dans un dernière des fois. meilleurs Là. matchs de l'histoire de la Coupe Memorial, je m'en rappelle, c'était vraiment excellent, Ah, c'était très. Oui, c'était un excellent match. Les Knights de London, là. c'était aussi une grosse machine là, contre les Huskies. Ça avait donné. Ouais. Écoute, ça s'est terminé en prolongation là, sur un but un peu Ouais. anodin. Là. Un tir dans un angle restreint. Donc. Les gens l'ont encore sur le cœur à Rouyn-Noranda. Parce qu'il faut dire aussi qu'il est arrivé la même chose aux Foreurs en 2000 ans. Puis il y a toujours la jauge de comparaison ici, là, c'est toujours à l'autre bout de la 117. Là. Donc, si on est capable d'aller gagner premièrement une deuxième Coupe du Président pour se rapprocher des Foreurs, puis si on est capable de gagner la Coupe Memorial pour pouvoir mettre ça sur la ligne des partisans de Val-d'Or, il y a des gens de Rouyn-Noranda qui vont être bien fiers. Ouais. Donc, ça devrait quoi? Tu favorises quoi, les Mooseheads en 6? Pas les Mooseheads, mais les Foreurs en 6? Moi, je favorise les Huskies en 6. J'ai Et dit je vais là te les parler. Foreurs, j'ai dit les Foreurs, c'est les Huskies, excuse-moi. Ouais. Je vais te parler très brièvement des défis à l'intérieur, les duels à l'intérieur du duel. Ouais. Tu as des anciens coéquipiers qui ont gagné la Coupe Memorial l'an dernier des deux côtés de la finale. Tu as OK. Mario Pouliot avec Noah Ouais. Dobson qui ont gagné, qui sont ici à Rouyn-Noranda. Mais du côté d'Halifax, là, t'as Samuel Asselin, puis t'as Antoine Morin aussi, là, qui eux aussi arrivent dans le vestiaire des Mooseheads avec une bague de la Coupe du Président, là, puis avec de la Coupe Memorial surtout, là. Donc, c'est des deux côtés. Tu peux pas dire l'élément de motivation va être d'un bord ou de l'autre. Moi, la seule raison pour laquelle je... On va parler de soccer avec notre ami Benoît Lavoie d'Espace Soccer. Mais c'est quand même ça. Parce que du côté des Mooseheads, on a quand même deux bons premiers trios. Après ça, ça devient plus ordinaire. On a quand même une assez bonne défensive avec Mika Isaac, entre autres. Mais du côté des Huskies, là, t'as vraiment trois bonnes paires de défenseurs là, qui sont là. T'as des jeunes, t'as un gars comme un jeune comme Bocage qui était son année de repêchage cette année, qui commence Samuel à ouvrir Bocage. Des yeux. Alex Bocage, oui. Oui, c'est un choix de deuxième ronde en 2017. C'est de début de deuxième ronde, ça a été vraiment une révélation. Un gars comme Bibeau aussi, là, Félix Bibeau, là, qui est quand même déjà capable de générer de l'attaque. Puis ça, là, je te parle juste du troisième et quatrième trio. Là. Ouais. Fait que moi, à cause de ça, je donne l'avantage au Husky. Mais bon, une série, ça joue sur la glace. Si tu suis un petit peu la Ligue nationale, tu vas savoir de quoi. Oui, on les suit la série. Écoute, c'est incroyable ce qui se passe dans des éliminatoires. Gary doit pas être content, hein? Ça dépend. Ouais. Mais c'est sûr que ces gros marchés sont pas là. Tu sais, Los Angeles, la Californie puis New York, là. Ouais. Chicago non plus. Mais en même temps, il est en train de gagner son pari dans des marchés où il a établi des équipes où le hockey était moins populaire que la course de tracteur à une certaine époque. Là. On parle des Hurricanes de la Caroline, ouais, entre autres. Ben écoute, les Hurricanes, ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas fait les séries. Là. C'est normal, le mener. Donc, t'as-tu vu ça la nouvelle? Le meilleur, lui qui était supposé être le premier choix au repêchage en 2020 dans la Ligue Junior du Québec, s'en va vers la NCAA. C'est une décision plate pour la Ligue Junior du Québec? Écoute, moi, je suis un peu comme Saint-Thomas. Hein, ouais. On vient de passer pas. Moi, je vais le voir quand je vais le croire. T'es sûr qu'il y a joueurs qui ont déjà fait, entre autres Jonathan Drouin, qui avait dit à l'époque c'est Tristan Luneau qui s'appelle. Qui était vu comme le premier espoir pour le repêchage de 2020. Et, Jonathan Drouin, à l'époque, avait dit la même affaire. Hein? Oui, ben si tu te rappelles, à l'époque, tu avais deux joueurs. Là, t'avais Nathan MacKinnon et Jonathan Drouin. Ouais. À l'époque, ceux qui repêchaient 1-2, c'était le raccord de Bécomo et les Husky Drouin-Noranda. Jonathan Drouin avait dit qu'il ne se rapporterait pas au Husky. Donc, les Huskies ont jeté leur dévolu sur un autre joueur. Ça a été le Drakkar. Eux ont monnayé Nathan MacKinnon. Donc, on connaît le reste de l'histoire. Là. Donc, c'est le genre de choses qui pourraient arriver. Puis, on se rappelle aussi des Sea Dogs de Saint-Jean qui sont un petit peu, excuse l'expression, un petit peu vlimeux. Hein. C'est arrivé à une couple de reprises là, qui ont, entre guillemets, caché des joueurs. Ils ont dit à des joueurs, ben garde, annonce que tu t'en vas dans NCAA. On va te repêcher en troisième ronde, puis tu viendras jouer avec nous. Là. Ouais. Sanson, on l'a vu à quelques reprises, puis j'ai des directeurs généraux ici là, en Abitibi, puis dans d'autres régions là, qui ont ça sur le cœur. Ouais. Michel, très intéressant, on s'en parle quelque part la semaine prochaine. Oui, absolument, ça va être fascinant. Michel Dugas, qui est notre collaborateur de la Ligue de hockey junior du Québec.